Exprimer une opinion. Exercice 3. Je déteste les conférences. Je les trouve très ennuyeuses. En plus, les sujets ne m'intéressent pas du tout. J'adore la musique électronique. Je suis même un passionné. Ce concert me fait très envie. J'aime bien le jazz, mais ce n'est pas une passion. Je préfère la musique électronique. J'aime énormément le cinéma, mais je ne suis pas très tenté par ce programme. Je préfère les films d'action. La chanson française, ce n'est pas trop de mon âge. Je pense que ça intéresse plutôt des gens plus âgés que moi. Le slam, c'est sympa et original, mais je ne suis pas sûr d'apprécier suffisamment pour assister à une soirée complète. En général, je ne suis pas très amateur de théâtre, mais je suis sensible à l'humour et le programme promet que la soirée sera drôle.